إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله عباد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربعون إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة رواه الإمام أحمد في مسنده. قال العلماء في شرح هذا الحديث العظيم وهذه نصيحة لكل تاجر قالوا هذا حديث عظيم جدير بكل مشتغل بالتجارة قلت أو كثرت أن يتعامل أن يتأمله وأن يكون نصب عينه بل ينبغي أن يشاع بين التجار وفي المحلات التجارية وبين الشركات حتى يصحح لمن اشتغل بالتجارة مساره وطريقته في البيع والشراء والتعامل وذلك بأن تكون التجارة قائمة على هذه الأساس الأربعة ولا يساوم فيها مهما كانت المصالح. في هذا الحديث معالجة حكيمة وعظيمة للفساد الذي يحصل لأخلاق الناس عند إقبال على الدنيا وحطامها والتجارة واكتساب المال وطلب الأرباح ولا يبالي إن فات شيء من الدنيا مدام محافظا على هذه الركائز مهما عظمت المكاسب وكثرت المصالح فإنها لا تحطم شيئا من هذه الأساس كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ولهذا قد يبتلي أو يبتلى الإنسان عندما يدخل باب التجارة ويمتحن هل يحافظ على الأمانة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث ذكر الأمانة فهل يبتلى الإنسان عندما يدخل باب التجارة ويمتحن هل يحافظ على الأمانة أو يضيعها في سبيل أن يحصر مالا أو شيئا من حطام الدنيا. فكثير من الناس يسقط في هذا الامتحان ويضيع الأمانة في سبيل أن يكسب مالا أو عرضا من عراض الدنيا ومتاعها الزائل. ومن الناس من يتعامل بالأمانة في حدود ضيقة وفي مصالح محدودة فهو يتعامل بالأمانة في حدود من يعامله بها جزاء له من جنس عمله فإذا وجد أمينا عامله بالأمانة وإذا وجد خائنا عامله بالخيانة وليس هذا شأن المؤمن. وفي المسند وغيره بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. فالأمانة مطلوبة في كل وقت وحين وفي جميع الأحوال وهي ممدوحة في جميع أحوالها والخيانة مذمومة وقبيحة في جميع أحوالها. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخن من خانك نعم طالبه بحقك لكن لا تعامله بالخيانة فإن الخيانة مذمومة في كل وقت وحين. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق حديث أي أنه لا يكذب بل يحافظ على الصدق وعندما يحدث الناس في بيعه وشرائه دائما يكون صادقا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant qu'on commence, mes chers frères et mes chères sœurs, il y a une passate grise qui gêne le passage à l'extérieur. Et c'est malheureux de commencer notre serment en français par une telle annonce. Normalement, ça ne devrait pas exister chez les croyants qui sont conscients que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la rétribution, sera le plus proche d'une catégorie de gens. Et il dit, par contre, il va détester et s'éloigner d'une catégorie de gens. Ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aimer et va se rapprocher d'eux, sera proche d'eux, ça sera ceux qui seront dotés d'un bon comportement. Comme a qu'il a fait le hadith. Donc le croyant, lui, il s'efforce toujours d'atteindre les bonnes moralités et les bons comportements, donc a fortiori d'éviter tout ce qui contredit les bonnes moralités, les bons comportements. Pour cela, très rapidement, aujourd'hui je voulais qu'on se fasse un rappel sur un hadith immense qui demande du temps. Donc peut-être on va le faire en plusieurs assises, en plusieurs khutab, parce que ce hadith est très important, et vu les conditions météoriques, on ne peut pas laisser les frères comme cela dans le froid, à l'extérieur. C'est un hadith immense, et c'est un conseil pour tous les commerçants. Un conseil pour tous les commerçants. Pourquoi ? Parce que il y a des gens que leur profession est de commercer, ce sont des commerçants. Mais que ce soit le fait de commercer à grande échelle ou d'en faire un métier ou une fonction, chacun d'entre nous, on est amené à vendre et à acheter à petite échelle. Donc chacun d'entre nous vend et achète et fait du commerce. Et donc, il faut se rappeler le bon comportement. Pourquoi ? Parce que souvent, on néglige les bonnes moralités, les bons comportements face au commerce. Et il y a un hadith qui est immense, qui nous est rapporté par l'imam Ahmed, et les grands spécialistes en la matière jugent ce hadith authentique. Le prophète Sansem dit qu'il y a quatre choses. Tant que la personne aura ces quatre choses, alors qu'il ne s'afflige pas, qu'il ne regrette pas ce qui leur a manqué de bien de cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire, dans des termes familiers, si il rate des choses parmi les biens de cette vie d'ici-bas, alors qu'il ne soit pas affligé, jamais ne connaîtra de regret. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité quatre choses. Hifdhu amana, le fait de tenir le dépôt. La véracité, le fait de dire la vérité. Et toujours garder un bon comportement et être soucieux d'où on va obtenir notre subsistance. Et donc ce sont quatre choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première chose qu'a cité le prophète, hifdul amana. Et les savants nous font un rappel, donc on aura quatre choses à étudier citées dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à chaque moment, lorsqu'on commerce, pour un commerçant qui en a fait une fonction, ou bien parfois on peut vendre ou acheter une chose, il faut toujours se rappeler le bon comportement et les choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour être bref et court. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parfois on va manquer, va nous échapper certains biens de cette vie d'ici-bas. Par exemple, un commerçant, il ne devra pas mettre, premièrement, hifd al-amana, la garantie du dépôt, la confiance, en jeu pour un gain, ou son bon comportement pour un gain, ou sa fiabilité pour un gain. Lui, ce qu'il regarde, son capital, d'abord ce qu'il a, c'est son comportement. Et les savants disent qu'il ne doit pas vendre son comportement, mais ce qu'il doit garder, c'est son comportement. C'est même s'il doit manquer, même s'il passe à côté d'un gain immense ou minime. Mais ce qu'il doit préserver, d'abord, c'est pas le gain, même s'il passe à côté, mais ce qu'il doit préserver, c'est son comportement. Et les ulama disent, si pour cela, tu dois choisir entre ton adab, ta véracité, le fait de dire la vérité, de garantir le dépôt, le fait d'être digne de confiance, tu dois choisir entre cela, ou bien passer à côté d'un gain immense même, alors choisis ton comportement. Ras el mel, d'abord, c'est la bonne moralité. Et les savants font un appel, disent, il y en a qui délaissent le bon comportement pour le gain. Le dépôt pour le gain. Et dans un hadith, pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous dit, si une personne te donne en dépôt une chose, il te fait confiance, alors sois digne de confiance. Par contre, le prophète dit, ne trahis pas celui qui t'a trahi. Et là, les savants font une portée d'attention. Beaucoup de commerçants, ils sont honnêtes lorsqu'ils sont face à des gens honnêtes. Et s'ils sont face à une personne qui est à l'arabe, une personne qui joue, qui n'est pas honnête, une personne qui trahit le dépôt, alors il fait preuve de trahison. Le prophète te dit, la tachoun man khanak, ne trahis pas celui qui t'a trahi. Donc même si une personne te trahit, même si une personne n'est pas honnête avec toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduque à ne pas trahir celui qui trahit. Mais toujours garder le bon comportement. Pour cela, les savants nous disent, ce qu'on a de plus cher, le capital qu'on détient, c'est la bonne moralité, c'est les bons comportements. En aucun cas, on va vendre notre bonne moralité, notre honnêteté, notre sincérité pour un gain, qu'il soit minime, grand ou immense. Ça, c'est un rappel immense que nous font les ulamas par rapport à ce hadith. Il y en a qui ont vendu leur bon comportement, dès qu'il s'agit de vendre, ils mentent. Ils mentent. Le prophète Sansam nous dit, faites attention aux mensonges car ils mènent à la turpitude. Et la turpitude mène en enfer. Et il y a encore du rappel à se faire. On essaiera dans une prochaine assise de continuer sur ces enseignements. Wallahu a'lam. فنسأل الله جل وعلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعنى اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك